qu'attends-tu pour te décider? Ton du salut. Je t'en prie, viens à Jésus. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Qu'attends-tu pour te décider? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Ton du salut. Écoutez la parole qui sauvera votre âme. Ton du salut, une production de la radio Fréquence Vie. Le don de la vie. C'est le thème du message que nous apporte le révérend Nicolas Joël. Dieu bénisse votre écoute. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers auditeurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, il est bien d'être là autour de la bonne parole du Seigneur. Alléluia et alléluia. Chers auditeurs, un écrivain philosophe allemand du nom d'Emmanuel Kant a dit ceci. La Bible mise à la portée de tous est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Enfin, l'écrivain juif du 1er siècle, sorti du village de Bethsaïda et qui vivait dans la ville de Capernaum, du nom de Simon Pierre. Il a dit ceci, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On appelle ça la théopneustie, c'est-à-dire le soufflet de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, je l'ai intitulé « Le don de la vie ». Le don de la vie. C'est un message que je prêche à des mariages. Donc, un message de mariage. Et notre test se trouve là profondément dans la parole de Dieu. C'est Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16. Et nous lisons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, notre test est clair. Dieu a tant aimé le monde. Oui, je sais que ce test est très utilisé pour l'évangélisation, mais il est aussi bien même pour une édification.